2. Elle déjeuna très vite sur le coin d'une table volante, dans la salle à manger presque vide. Puis elle sortit et se dirigea vers la basse ville. Cette misère que Laurent lui avait signalée, elle tenait à la vérifier elle-même. Elle connaîtrait le mauvais ouvrage de Paulin. Ensuite, elle aviserait à voir Paulin, qui depuis quelque temps passait à Castillac plusieurs jours de chaque semaine. Elle le savait là, présentement. À Castillac, la basse ville était un quartier qu'on découvrait de haut, quand on faisait la promenade des remparts. On y conduisait les étrangers qui en devaient goûter le pittoresque, le mélange de vieilles maisons, sculptées d'armoiries ou d'enseignes, jolies encore dans leur vétusté précieuse, et de sordides masures qui, autour d'elles, se tassaient comme des enfants pauvres, s'accrochent à la jupe de leur mère. On y allait autrement que pour les charités. Et en somme, la basse ville ne comptait pas beaucoup. Reléguée au penchant du plateau, sur lequel Castillac avait sa vie élégante, son industrie et son négoce, elle était un peu une ville différente, de conditions petites, d'où montaient le matin les ouvriers, et où ils redescendaient le soir. Soudain, la basse ville prenait une extraordinaire importance. Elle semblait surgir de son trou. N'allait-elle pas grimper à l'assaut? De la terrasse que formait à son extrémité la butte, les bourgeois venaient sans trop s'arrêter, donner en passant un coup d'œil furtif à ce nouvel horizon de leur inquiétude. Un peu à l'écart, ils bavardaient. Ils déploraient le malheur de l'époque, l'effronterie des agitateurs, la faiblesse du gouvernement, la fainéantise des classes laborieuses, la cupidité des indigents. Et non sans précaution, à cause de l'ancienne déférence, ils gourmandaient René de Berville, dont la résistance était un péril public. Sans doute, on ne doit pas céder à toute l'exigence des mécontents. Mais enfin, pour le seul intérêt de cet industriel, Castillac pâtissait. La manufacture faisait jusqu'alors la richesse du pays, et les De Berville étaient honorés. S'ils ruinaient le pays, la reconnaissance tournait court, et au surplus, c'était affaire à eux de se tirer d'ennui, sans gêner les voisins. Anatolie, sur la terrasse, aperçut divers bons hommes et bonnes femmes. Elle eut soin de les éviter. Elle longea les pentes par où tant de fois elle avait accompagné sa grand-mère en tournée de bienfaisance, et dans un petit chemin bordé de vieux platanes rabougris, elle rencontra sa tante Pauline. D'abord, Anatolie ne sut pas que ce fut elle, tant la pauvre dame était emmitouflée de son voile. Elle abusait de son deuil pour dissimuler son visage, et elle se dépêchait de son mieux. C'est la tante qui reconnut Anatolie, et elle crut rêver. Puis elle eut hâte de se lamenter, car elle était pressée. « Ma pauvre chérie, tu ne te doutes pas de ce que tu vas voir. Une misère. Je ne sais pas si les ouvriers ont tort, ou si René devrait leur accorder ce qu'ils réclament, la semaine anglaise et l'augmentation des salaires. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est la misère. Et les figures. Au fait, n'y va pas. C'est presque dangereux. On m'a lancé des regards. Et pourtant, je ne suis pour rien dans tout ça. Pas plus que toi. La misère les rend injustes. Remonte avec moi. » « Non, non, fit Anatolie, c'est que je ne puis t'accompagner. Je n'ose pas, je suis venu en cachette apporter un petit secours à des vieux qui sont mes clients et qui travaillaient à l'usine. Si René l'apprenait, qu'est-ce que ça peut lui faire ? Ma pauvre chérie, je croyais comme toi, mais il m'accuse de favoriser les grévistes. C'est en ce moment sa manie. Il me fait surveiller par Henriette, et je suis obligé de chercher des prétextes pour sortir. Ah, vois-tu, quand la politique s'en mêle, tous les sentiments sont renversés. On ne sait plus à qui l'on nuit. Tu ne remontes pas? Alors adieu. Tu viendras me voir. » Anatolie, de tout ce que lui avait dit, en bredouillant d'émotion la tante Pauline, ne retint que la manie de René. Elle prévit que pour elle aussi, des difficultés naîtraient de là. Mais l'oncle, elle, l'avait bien maté. Puis on ne la rebuterait pas. Elle était dans la lutte. La lutte ne l'effrayait pas. Elle ne craignait que Paulin, et non Paulin, la honte qu'elle aurait de ses fautes. Elle les vit, ses fautes, et terribles. Dans les rues de la basse ville, les ouvriers se rassemblaient et parlaient fort. Il y avait des querelles. Les terrasses des marchands de vin débordaient sur la chaussée. Un groupe vit Anatolie. Un ouvrier l'avait salué. Les autres le houspillèrent. Un coup de sifflet partit. Anatolie se retourna. Un garçon fit un vilain geste, et l'on ricanait. Elle s'approcha et dit « Que vous ai-je fait ?» On ne lui répondit pas. Mais le garçon le plus hardi, ses camarades qui avaient enchanté sa hardiesse l'injurièrent, le traitèrent de malappris. Un bon enfant les excusa tous. « Faites pas attention, mademoiselle Anatolie. On est en grève, alors on boit. et on n'a pas l'habitude. » Elle sourit gentiment, haussa les épaules et passa. Elle se dit qu'il n'était pas très difficile de venir à bout de tel gaillard, et cet incident l'excitait. Un peu plus loin, d'autres groupes paraissaient plus farouches. Cela, songea-t-elle, ce sera pour un autre jour, et elle les esquiva. Elle entra dans les maisons où sa grand-mère l'avait conduite. Elle y trouva les femmes et les enfants, non les hommes, tous dehors à épiloguer et à boire. Les femmes la recevaient bien. Elle entendit complaisamment leurs doléances. Elle promit de revenir. Elle donna ce qu'elle avait, et la pitié l'accablait. La claire volonté d'être active et efficace l'animait. Tandis qu'elle s'était mise à jouer un peu avec des bambins, un bruit de voix monta de la rue à son oreille. Elle se pencha par la fenêtre, et dans un cercle de hâbleurs très agités, elle distingua Paulin. Il pérorait. Elle descendit. Elle écouta du pas de la porte où une ouvrière l'avait accompagnée. Paulin disait « Si vous cannez, non seulement vous perdez le profit de cette grève. 3 semaines de grève, c'est quelque chose. » On répliqua « C'est beaucoup. »« C'est beaucoup, reprit-il, et c'est autant de perdu si vous cannez. En outre, vous avouez votre impuissance pour l'avenir, et vous êtes dans les pattes des patrons à tout jamais. Dame, s'ils sentent que vous cannez, pourquoi se gêneraient-ils ? Résistez, je sais bien que c'est dur. Mais enfin, résistez. Il n'est pas possible que le Deberville dure plus de 8 jours encore. J'ai des renseignements. » Il aperçut Anatolie. Elle lui imposait, et il perdit son assurance. Il serra des mains, et il s'éloignait. Mais il se méfia qu'Anatolie ne vînt à lui, et il prit les devants. D'ailleurs, il s'excusa. « Elle est avec nous. » 1 minute plus tard, Anatolie et Paulin s'en allaient, Anatolie troublée, Paulin nerveux. D'abord, ils n'échangèrent pas un mot. Dans la rue qu'ils suivaient, les grévistes étaient nombreux. Ils se tenaient au milieu de la chaussée, les uns discourant, les autres mornes. Ceux qui gesticulaient avaient encore l'air d'ouvriers. Une stérile activité remplaçant le travail. Une activité cependant pour ses bras, pour ses corps dressés au remuement. Les plus désœuvrés étaient les plus gauches, comme s'ils avaient plus de mal à prendre l'initiative du repos qu'à continuer leur tracas. Paulin s'en aperçut. « Il faut que je trouve à les occuper, » dit Paulin à demi-voix. Anatolie demanda « Que leur feras-tu faire ?»« Nous verrons ça. » Il avait sa méchante figure, sa méchante façon de parler, en desserrant les dents à peine. Elle trembla qu'il ne leur offrit une besogne d'émeute. « Nous verrons ça, » reprit-il. « Je ne peux pas les laisser dans l'inaction. La paresse est mauvaise conseillère. Ils retourneraient à l'usine. »« Eh bien, » fit Anatolie, « quoi de mieux ?» Il répondit « Vous en avez de bonnes. » Quand ils passaient, Anatolie et Paulin, ou bien les groupes ne se dérangeaient pas, ou bien deux files s'ouvraient. Déférence ou goguenardise. Et l'on chuchotait. Et évidemment, l'intimité de l'agitateur et de la nièce du patron ne manquait pas d'étonner. Et même ne réveillait-elle pas, dans la foule aguichée, les anciens soupçons, qui jadis, quand Paulin fut chassé de l'usine, le rendaient si impopulaire. Puis une grève est une guerre. Pendant la grève ou la guerre, la crainte de la trahison circule, comme une panique toujours prête, dans les esprits tous un peu fous. Paulin sentit les gens ombrageux. Alors il multiplia les signes de sa cordialité, donna des poignées de main, distribua des paroles remontantes. « Eh bien, ça va ? Courage, tenez bon ! Si le Deberville résiste encore 4 jours, c'est le bout du monde, ne flanchez pas !» Une ou deux fois, comme les physionomies l'interrogeaient d'une manière trop pressante, il s'arrêta et profita de ce qu'Anatolie le distançait un peu pour répéter « Elle est avec nous !» Elle l'entendit pourtant, elle l'entendit même affirmer « La citoyenne est avec nous !» Et certes, elle ne croyait pas avoir, avec René, avec l'usine, aucune attache. Mais elle n'était pas du parti qui répand la misère. Il lui déplaisait que Paulin disposât d'elle, et que Paulin mentit. En outre, si la guerre divisait les Deberville et leurs ouvriers, Anatolie avait beau n'être pas une Deberville et se défendre d'en être une, elle eut le sentiment que Paulin la faisait trahir. On ne traverse pas une foule sans participer à la folie de cette foule. À ces gens inquiets, elle prenait un peu de fièvre obsidionale. Quand ils furent dans une ruelle à peu près déserte, Paulin, qui avait manœuvré pour venir là, dit « Vous me pardonnez, il faut que je retourne à mes gaillards. » Elle sourit amèrement. « Mon pauvre ami, te rappelles-tu la première fois, la seule fois que nous soyons sortis ensemble dans les rues de Castillac, 8 jours après l'enterrement de grand-mère, tu avais peur de me compromettre. Aujourd'hui, c'est moi qui te compromets. Telle était bien la vérité. D'ailleurs, l'homme que les Latins voulaient habiller de blanc, symbole d'une candeur dont il lui est ironiquement resté le nom, le candidat n'est-il pas une espèce de jeune fille, par l'incertitude quasi tremblante de l'attente et par la susceptibilité presque dangereuse de sa réputation. « Dame, fit Paulin, oui, que voulez-vous ? Bien, mais tu les as rassurés en leur disant que j'étais avec vous. Ce n'est pas vrai, du reste. » Il la regarda tristement et lui demanda « Vous n'êtes pourtant pas mon ennemi ?» Il avait offensé Anatolie. Et puis il l'attendrissait, par son air doux et humble, si peiné. Il la tenait par ses gentils revirements de son caractère. S'il redoutait de l'avoir pour ennemi, ce n'était pas son intérêt de candidat, qui alors le tourmentait, mais son amour qui frémissait. Anatolie, de tout son cœur ému, lui répondit « Ne me rends pas ton ennemi, Paulin. J'en mourrai, seulement je ne puis te laisser. J'ai à causer avec toi. C'est que... j'ai des renseignements à te donner. Viens, ne restons pas ici, où tu guettes les gens qui pourraient nous voir. Nous ne sommes pas à 3 minutes des prairies. On n'y rencontre jamais personne. Nous causerons, et puis tu retourneras à tes électeurs, mais mieux informés. » Il faisait beau. La basse ville aboutissait à la campagne, à la fraîcheur et au silence, à l'air pur et à l'étendue tranquille de la plaine. La rivière passait là, tout ensoleillée, vive, animée encore des cadeaux de l'hiver. Le paysage sans feuilles, à peine touché de printemps, était joli par son éclairage et par ses lignes nettes, par le dessin gracieux et compliqué des branches. Ce serait, dit Anatolie, un jour charmant pour prêcher. Laissez-vous tranquilles les uns les autres. Il y a 8 ans, n'est-ce pas? Un jour pareil à celui-ci. À ce souvenir, au milieu de circonstances tout autres, attirait Anatolie. Mais Paulin ne sut pas si elle lui reprochait de ne plus laisser tranquille personne. Il pressa un peu leur allure. Anatolie répondit à sa grande hâte. « Voici, tout à l'heure, tu as dit que l'oncle céderait. »« Dame, fit-il, c'est possible. »« Tu as dit qu'il céderait dans 8 jours, dans 4 jours. »« C'est qu'il trouve le temps long. »« Tu as dit que tu avais des renseignements. »« Oui, peu importe, mais moi j'en ai. » »« L'oncle ne cédera pas, ni dans 8 jours, ni dans 4 jours, ni après. »« Il ne cédera pas. » Paulin l'écoutait avec une extrême attention. Il réfléchit et conclut. « C'est ennuyeux. S'il cédait, mon affaire serait dans le sac. » Pourvu qu'il ne céda pas trop tôt. Nous sommes encore à 3 semaines de l'élection. En 3 semaines, la gratitude de mes bons hommes aurait le temps de défaillir. Mais s'il ne cède pas du tout, il faut que je les tienne en haleine 20 jours encore. Ce sera dur. Anatolie le conjura. Paulin, je ne peux pas croire que tu en sois arrivé là. Voyons, tu as privé ces gens de leur ouvrage, de leur gagne-pain. Mais si j'améliore ainsi leur salaire? Oui, j'en suis sûr, tu l'espérais. Seulement, je t'annonce avec certitude que c'est manqué. Tu n'as qu'une chose à faire. Avoue ton erreur. Va leur dire « Je me suis trompé, rentrez à l'usine. » Autrement, tu les dupes. Et c'est une infamie. Tu t'es trompé, voilà tout. » Il reprit « Voilà tout, voilà tout. Mais et moi? Comment toi? Tu as peur qu'ils se vengent sur toi de leur déconvenue ?» Il se fâcha. « Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous me prêtez des sentiments. S'il n'y avait que moi... » « Qu'y a-t-il en plus ?»« La cause. Mais oui, et je n'admets pas votre indignation. Il y a la cause. » Le parti a décidé de présenter dans chaque circonscription un candidat. Il m'a donné Castillac. Si je renonce à la lutte, je trahis. Et si je laisse tomber la grève 3 semaines avant l'élection, je renonce. Je trahis, c'est manifeste. Alors tu sacrifies à la cause ces milliers de pauvres gens? Oui, et j'en sacrifierai bien d'autres. Bien d'autres, et toi? Il releva son insolence. Et moi, mais oui, me méprisez-vous tant? Elle lui sut gré de protester si bien. Mais qu'il protestât ou non, elle sentait en lui le poison des sophismes. Elle devinait dans l'esprit de ce garçon que la politique avait pris la confusion, si facile et si profondément corruptrice, de l'égoïsme et des idées, la grande confusion politicienne. Elle n'osa pas lui signaler davantage son égoïsme, et puisqu'il le voilait à lui-même, sous les dehors de l'idéologie, elle essaya de lui dénigrer les idées, pour déchirer le voile. « Il n'y a pas, dit-elle, une idée qui vaille qu'on lui sacrifie des milliers d'êtres innocents. » Les idées sont trop incertaines. » Il triompha. « C'est vous qui dites ça, vous chrétienne et vous patriote. Il me semble pourtant que la foi célèbre ses martyrs et que la patrie tue assez de monde. »« Ah, fit-elle, ce n'est pas la même chose. »« Pour vous, non, mais pour nous, le socialisme est une foi et beaucoup plus qu'une patrie. C'est ici que nous différons. La foi des autres, vous l'appelez une hérésie et la patrie des autres, vous la détestez. » Elle se taisait, glacée de l'entendre affirmer ainsi leur désaccord. Ne les cantonnait-il pas, lui et elle, dans 2 patries ennemies, séparées par la haine? Il comprit ce qu'elle éprouvait, et ne l'éprouvait-il pas lui-même, car il l'aimait. Il ajouta, « Et puis, si vous méconnaissez la cause et mes idées, Si vous vous obstinez à ne voir en moi qu'un ambitieux, ne soyez pas injuste jusqu'au bout. Quelle est mon ambition? Ce siège de député? Oui, je le veux et je l'aurai. Mais pourquoi l'ai-je désiré? Elle trembla de tout son corps. Pour m'épouser? Ah non, ça non. Ne dis pas ça. Je ne veux pas que ce soit pour m'épouser que tu fasses souffrir ces pauvres gens. Je ne le veux pas. Je ne veux pas de mon bonheur payé par la misère des autres. Non, non, je le refuse. Entends-moi bien. Je ne refuse pas d'être ta femme. C'est moi qui te l'ai demandé. Mais pour être ta femme, heureuse et fière, plus fière ainsi et plus heureuse, je n'avais pas besoin que tu fusses députée. Je n'ai pas besoin que tu le sois. Ce fut ton orgueil. J'ai compris, j'ai aimé ton orgueil. Mais pas quand il est impitoyable, cruel et malfaisant. Je t'explique donc mal ce que je sais et qui doit te convaincre. L'oncle ne cédera pas. Il y a entre lui et Pierre une divergence de vues. Mais ils sont l'un et l'autre également résolus à ne pas céder. Pierre est pour la résistance, l'oncle pour le lock-out. Alors tu vois, d'une façon comme de l'autre, c'est pour les ouvriers, s'ils s'entêtent par ta faute, le désastre. Ils sont perdus. Paulin reprit. Ça, le lock-out, c'est la bouteille à l'encre. J'y ai songé comme à une éventualité possible. Je ne sais pas ce que ça peut donner. La ruine, 1500 ouvriers sur le pavé. Sans doute, il y a d'autres manufactures dans la région. Mais elles ont leur personnel, probablement. Oui, répartit Paulin. Seulement, si l'usine de Berville craque, les autres s'agrandiront. La demande reste la même. Et ainsi, la production reste constante. Les ouvriers se déplaceront. Pas du jour au lendemain. Alors que 2 semaines encore et 2 mois, ils mourront de faim. Oui, consentit Paulin, c'est grave. Le lock-out est une opération dangereuse. Et les messieurs de Berville feront bien d'y songer. Pour ce qui est de moi, je vous le répète, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ces périgourdins sont des gens peu opiniâtres, et c'est pour ça que j'ai à craindre une défection de mes grévistes. Mais d'autre part, ils ont la tête chaude, et le lock-out peut très bien déchaîner l'émeute. Alors l'émeute, rien à prévoir. Elle tourne pour moi ou contre moi, mystère. Et nous jouons le tout pour le tout. La sécheresse de ses calculs indignait Anatolie. Elle cherchait, dans les paroles de Paulin, le moindre mot qui attestât le moindre sentiment de pitié. Fût-ce le regret d'avoir à faire une besogne meurtrière. Elle ne trouvait que froide habileté, madigance, un jeu où l'on engage des vies humaines. Elle eût voulu que Paulin s'en allât, sans plus attendre. Elle n'osait pas lui répondre, chacune de ses réparties amenant une nouvelle indication plus odieuse des projets qu'il avait formés et qu'il pousserait à leur achèvement. Elle n'osait plus le regarder. Elle avait peur de ses yeux méchants. Mais aussi, elle ne supportait pas la pensée de le quitter, sans qu'il lui donnait seulement un signe de quelque bonté, de quelque faiblesse au moins. Elle mendia cette aumône. Elle offrit à Paulin de s'adresser à l'oncle, et si elle obtenait une transaction, certes non pas tout, une partie de ce que les grévistes réclamaient, l'accepterait-il? Je ne dis pas non, fit Paulin, mais pas aujourd'hui. Nous n'en sommes pas à transiger. Et puis je ne voudrais même pas aujourd'hui d'un succès complet. Je vous l'ai dit, je me méfie. Elle eut gémi, comme battue. « Eh bien, Paulin ne leur dit plus que je suis avec vous. Avec eux, oui, pas avec toi. Mais avec eux, de tout mon cœur et de toute ma force. Nous nous rencontrerons, toi et moi, dans la basse ville. Je te permets de ne pas me reconnaître. Nous ne ferons pas la même besogne. Tu feras la tienne et moi la mienne, la besogne de la charité. Le mal qui vient de toi, je tâcherai d'y porter remède, avec de l'argent et de la tendresse. » Elle pleurait et commençait de sangloter. Alors il lui prit le bras et lui dit de sa voix la meilleure. « Folle que vous êtes. Si je voulais vous taquiner, je vous dirais « Merci, vous me sauvez. Les subsides que le parti m'envoie sont maigres. Vos bienfaisants se permettront que la grève dure. Mais je ne vous dis pas ça. Je vous dis merci, parce que vous êtes bonne, et qu'ainsi vous allez rendre la vie moins pénible à ces malheureux, à mes victimes des idées auxquelles je me dévoue. Est-ce que vous croyez que leur misère ne me désole pas? Est-ce que vous croyez que je n'ai pas de cœur, moi qui vous aime tant? Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas des moments où ma besogne me fait horreur, comme à vous, et où il faut que je me guinde pour garder ma volonté âpre et indispensable? Est-ce que vous croyez que je n'aime pas les pauvres, moi qui suis un pauvre, et moi qui n'ai jamais désiré nul profit? Les pauvres qui sont les membres saignants de l'idée? Si je les aime autrement que vous, je les aime aussi comme vous. » Elle l'interrompit, car elle eut continué facilement. « Assez, Paulin, plus un mot. Je ne sais pas ce que tu ajouterais. » Et je préfère me contenter de cela, qui est mieux, beaucoup mieux. Tu m'as fait du bien. Avec tes dernières paroles, je peux vivre en attendant de te revoir. Avec les autres, il me semble que je n'en aurais pas eu la force. Adieu, à bientôt. Va, Je vais rester ici quelques minutes après toi pour me remettre. » Il se plaignit. Elle lui était sévère et l'accablait quand il avait besoin de toute son énergie et de sa présence d'esprit. Elle le jugeait mal, et au surplus, la politique ne se faisait pas autrement. Et en fin de compte, ne l'aimait-elle plus? Si je ne t'aimais plus, Paulin, souffrirais-je ainsi? Elle le vit s'en aller d'un pas rapide. Il ne se retourna pas vers elle, et elle savait bien que ce n'était pas un oubli de sa part, ou manque d'une attention gentille. Mais elle l'avait peiné. Ne pleurait-elle pas? Il se guindait, comme tout à l'heure, il le disait avant la besogne. Naguère, au temps de leur amour inavoué, quelle joie il montrait de l'amener à ses idées. Puis elle avait rebroussé chemin, très rudement, le laissant décontenancé. Maintenant qu'il la sentait si résolue contre son influence, si hostile, et quand il l'aurait voulu compagne de sa pensée dans la lutte, il en avait le cœur meurtri. Elle le savait bien, et s'il lui parlait d'un ton si violent, quelquefois c'était afin de prendre contre elle son assurance. Peu s'en fallut qu'Anatolie ne s'accusât de lui être injuste. Elle l'accusait, lui, une minute avant cela. Et pourquoi ce brusque changement d'elle envers lui? Pour l'avoir vu s'en aller comme il s'en allait, avec cette démarche qui était la sienne, sa démarche longue de grand garçon maigre, son allure de garçon pauvre et fier, qui a peiné, qui travaille, qui est venu ainsi du peuple, et qui n'a que deux plaisirs, une ambition difficile et un amour chaste. Pour l'avoir vu tel que personne ne l'eût distingué de bien d'autres, et tel qu'Anatolie le voyait tout simplement parce qu'elle l'aimait, et que l'amour est toute vérité. Quand elle fut seule, pour l'imparti, la solitude lui devint l'image, soudain vive et cruelle, de ce que lui serait la vie sans son amour. Et si l'on va cesser d'aimer, ce n'est pas un amour qu'on regrette, mais tout l'amour imaginable. Et c'est de ne plus aimer qu'on refuse. Le paysage était désert et beau. Il était, par les dernières remaisons, qui touchait aux prairies populaires, et par sa rivière, son herbe et ses arbres, il était déjà la nature. Il était les confins de la douce campagne et de la ville pathétique. Anatolie, à demeurer là quelque temps, se calmait. Et aussi, le calme des alentours ne s'imposait pas à elle trop vite. Elle songeait à Paulin, et frémissant encore des paroles qui l'avaient révoltée, elle trouvait à l'excuser, au moins à lui diminuer ses torts. Pouvait-il agir autrement? C'est ainsi que se fait la politique, disait-il. Peut-être, mais alors Anatolie se souvenait des plaintes que sa tante Pauline, un peu niaise et larmoyante, proférait. Quand la politique s'en mêle, tous les sentiments sont renversés. On ne sait plus à qui l'on nuit. Cette opinion modeste prenait, dans l'esprit d'Anatolie, une acuité singulière et attristante. Fallait-il, après tant d'idées remuées, tant de révoltes essayées, tant d'espoirs entrevus, consentir à la morne sagesse de la tante Pauline? Cette abnégation de l'esprit, on y parvient plus difficilement, si l'on a plus compté sur les audaces de l'esprit. Des routes plus ou moins longues et compliquées vous y conduisent. Des âmes se perdent en chemin. La tante Pauline y était arrivée sans fatigue. Anatolie avait encore bien des étapes à passer. Elle ne voulait pas rentrer si tôt, et elle était comme ces voyageurs imprudents qui, las déjà, inventent de nouveaux itinéraires. Surtout, elle n'abandonnait pas son terrible compagnon, plus hardi qu'elle dans l'erreur, plus férue de l'idée fausse, et qu'elle tâchait de ramener, et qu'elle suivrait jusqu'au moment de tomber sans force. Il semblait emporté, lui, par une frénésie. Il n'était plus qu'un homme qui va, qui a rompu ce qui l'entravait, qui arrache ce qui le retient, qui écrase ce qui l'empêche. Comment l'arrêter? Les sentiments par lesquels Anatolie l'eût pris, comme on saisit un passant par sa manche, elle n'osait pas y toucher. Ne lui resterait-il pas dans la main? Il l'aimait, et elle n'avait point osé lui dire « Rentrons, car mon amour est à ce prix ». Il l'aimait, et pourtant n'eût-il pas continué seul sa marche imperturbable et mauvaise? Elle n'apercevait plus entre lui et elle qu'une attache, fort le débile amour, et non débile en vérité, mais plus on l'aime et plus on est prompt à le sacrifier. Une seule attache, l'amour des pauvres. Ne lui avait-il pas dit « Je les aime autrement que vous, mais je les aime aussi comme vous ». Et dans son langage un peu outré, elle avait remarqué trop d'éloquence. Puis les pauvres qu'il aimait ne les sacrifiaient-ils pas comme il eût sacrifié l'amour d'elle? Cependant, l'amour des pauvres était, en fait, mêlé fût-ce confusément à ses doctrines, même si ses doctrines le pervertissaient. Et ainsi, par l'amour des pauvres, elle pouvait encore avoir prise sur lui. N'avait-il pas dit, moi qui suis un pauvre? Anatolie, de toute façon, et par la spontanéité de son cœur, et par ses délicats raisonnements, aboutissait à la même conclusion. Au surplus, nos raisonnements sont la mise en œuvre de nos velléités les plus intelligentes. Elle n'avait plus qu'à organiser sa volonté charitable. Oui, pour les pauvres. Et pour le plus pauvre de tous, le plus abandonné à sa pauvreté d'âme, et qu'elle aimait plus que tous les autres, Paulin. Alors, il lui fallait de l'argent. Elle irait demander cet argent, le sien, à René. Elle partit. Elle dit adieu au paysage de lumière et de silence qu'il l'avait bien conseillé.